C'est bon d'être parmi vous ce matin. Quelle joie! Ce matin, je quitte Irlande, province de Québec, là, Saint-Ferdinand. Et dans le champ, juste à côté de chez nous, il y avait des beaux chevreuils, des tournes gris. Je m'en vais continuer un peu plus loin, il y avait des dindons sauvages par gang. C'était merveilleux. J'arrive au lac Saint-Ferdinand, au lac William, on a toujours appelé ça le lac Saint-Ferdinand, lac William, puis on voit des canards qui se promènent, un héron qui se promène. Il fallait que je regarde en avant aussi, là, ça l'aide, hein, d'un coup. Et que c'est beau. J'espère que vous appréciez la belle nature que Dieu a faite. Il n'y a pas d'autre que lui qui peut faire des belles choses comme ça. Ce matin, nous sommes de retour dans l'Évangile de Jean. Dans l'Évangile de Jean, Jean nous rapporte des rencontres de Jésus avec d'autres personnes. Et à ces personnes-là, il présente son identité, son autorité, sa gloire. De sorte que Jean, il termine son Évangile en disant, ces choses-là que j'ai écrites, elles ont été écrites afin que vous croyiez, dites-moi le reste, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors Jésus, il rencontre des gens et il se manifeste, il se présente, son identité, son autorité, sa gloire. Et les gens répondent à ça, ils répondent à la rencontre de Jésus. Et ces réponses-là, bien, ils diffèrent d'une personne à une autre. En fait, le texte va nous dire plus loin que beaucoup ont rejeté Jésus, mais d'autres l'ont accepté, d'autres l'ont reçu, et ça a fait toute la différence dans leur vie. Jusqu'à maintenant, dans l'Évangile de Jean, on a vu plusieurs de ces petites rencontres. D'abord, Jésus s'est présenté à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il baptisait à l'est du Jourdain. Alors, si vous voyez la carte de la Galilée, c'est la partie en haut, toute la terre promise, il y a la Galilée, puis la Samarie au milieu, puis la Judée en bas. La majorité du ministère de Jésus se trouve en Galilée, dans la partie haute. On l'appelle Galilée parce qu'il y a un gros lac. Là, le lac de Galilée, ça donne bien, il y a le même nom. On l'appelle aussi le lac de Tibériade. Bien, c'est comprenable aussi parce que Tibériade, c'est la ville la plus importante autour du lac. Et je ne sais pas pourquoi, il appelle ça aussi le lac de Génézareth. Génézareth, c'est le mot hébreu pour dire harpe. Et si je regarde un petit peu la forme du lac de Galilée, bien, harpe, c'est pas trop loin, là, la forme que ça a. Alors, voilà les différents noms. Et à la sortie du lac de Galilée, c'est le Jourdain, et ça s'en va jusqu'à la mer Morte. Et alors, ça descend jusque passé Jérusalem. Et alors, Jean-Baptiste, lui, il baptisait à l'est du Jourdain, et il a rencontré Jésus a rencontré Jean-Baptiste, Jésus a rencontré Jean et André et Simon. Jean, celui qui va écrire l'Évangile, et André, Simon, que Jésus va appeler Pierre, Céphas. Et après ça, Jésus il quitte le Jourdain et il s'en va complètement au nord du lac de Galilée, à Bethsaïda. Et c'est là qu'il rencontre Philippe et Nathanaël. On voit ça toujours dans le chapitre 1. Et plus tard, Noël nous a parlé qu'il s'est rendu à gauche complètement, à l'ouest du lac de Galilée, à Cana. Ça donne bien, Cana, il n'était pas si loin de Nazareth, qui est juste en bas. La ville où Jésus a grandi, où il est devenu charpentier. Et il y avait une noce à Cana, puis Marie est impliquée là-dedans. C'était une affaire de famille aussi. Fait que là, Jésus a monté. Il y avait 5 disciples à ce moment-là. Fait qu'il a amené ses disciples avec lui. Et il y a eu des noces à Cana. Et il s'est manifesté à Cana à sa mère. Deux horaires différents. Noël nous a parlé de ça. Et aux frères de Jésus. Je pensais que j'avais pas mis d'ess. Aux frères de Jésus, qui voit sa gloire. Et finalement, il va retourner, le texte de la semaine dernière, il retourne à Capernaum, c'est sur le bord du lac, et là, il va faire son quartier général. Alors, quand il revient à la maison, dans les évangiles, il revient à Capernaum, c'est sur le bord de l'eau, puis il y a souvent des prédications sur le bord de l'eau, il emprunte des bateaux, puis il marche chez eux parce que la location des bateaux est trop chère, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent sur le bord du lac, et de Galilée. C'est là un peu, et là, de Capernaum. Et on arrive maintenant ce matin dans Jean au chapitre 2 et les versets 13 à 25, où là, Jésus va quitter la Galilée et il va descendre et il va aller à Jérusalem, le temple de Jérusalem, la capitale, la ville principale. Alors, il quitte la Galilée et il se rend à la rencontre des gens à Jérusalem pour un moment bien précis, pour la fête de la Pâque. Et pour Jésus, c'est sa première visite au temple dans son ministère public. Et elle est très, très remarquée, cette première visite-là. Parce que cette première visite-là va être le site d'une confrontation sur la notion de religion. Comment les autorités juives voient la religion et comment Jésus la voit. Et ce jour-là, quand il descend dans le temple, ça l'a brassé dans le temple. Puis les gens y ont bien entendu remarqué la présence de Jésus parmi eux. À Cana, Jésus a sauvé le party discrètement. Il n'y a pas grand monde qui a su vraiment ce qui est arrivé. Mais à Jérusalem, Jésus casse le party. Et il le casse bruyamment plutôt que discrètement comme à Cana. Ça m'amène à une question. Si Jésus était parmi nous aujourd'hui pour assister à notre culte d'adoration, comment réagirait-il? Est-ce qu'il resterait discret de ce qui se passe? Est-ce qu'il participerait avec enthousiasme dans notre célébration de Dieu? Ou est-ce qu'il nous brasserait la cage? Je ne sais pas. En fait, comment est-ce qu'on peut savoir si Jésus a vraiment passé parmi nous aujourd'hui? Il est là, présent spirituellement. Mais comment je sais qu'il a vraiment passé parmi nous aujourd'hui? Ce matin, j'aimerais qu'on comprenne à travers le texte que Dieu veut que nous comprenions, nous, ses enfants, que nous comprenions que son autorité sur nous, ça va plus loin que les apparences extérieures. Ça va plus profondément que notre vue ou nos sens naturels. Et dans cet épisode où Jésus va nettoyer l'air du temple, on va pouvoir évaluer différentes réactions de sa présence et de son autorité parmi son peuple. Prions d'abord. Ô Seigneur, encore une fois, on ouvre ta parole et c'est ta parole qui est agissante dans celui qui croit. Seigneur, ma prière, c'est que ta parole puisse avoir place dans nos cœurs ce matin, qu'elle puisse nous sonder comme on vient de chanter, qu'elle puisse sonder nos cœurs, qu'elle puisse nous diriger dans la voie de l'éternité. Alors Seigneur, pour ça, nous comptons sur toi. Et nous te prions au nom de Jésus. Amen. Notre texte, Jean chapitre 2 et les versets 13 à 25. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables, et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez ça d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Évangile et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Ça a brassé. Jésus a manifesté dans le temple d'Hérode son autorité. C'est sa première visite, en réalité, de Jésus au temple de Jérusalem, et c'est au tout début de son ministère public. Les autres évangiles vont rapporter une autre visite de Jésus à la fin de son ministère public. C'est drôle parce que ici, ça dit maison de trafic. Dans la fin, Jésus a changé de mot, puis il a dit une gang, une caverne de voleurs. Ça a rempiré dans les mots qu'ils ont employés. Mais c'est sa première visite, et il appelle ici l'organisation du temple à la repentance, parce que l'organisation a transformé l'esplanade du temple en marché public. Les organisateurs ont changé l'essentiel pour l'accessoire. Voilà le temple d'Hérode tel que reproduit. Euh, 46 ans, ça a pris pour monter ça. Puis il n'était pas fini encore du temps de Jésus, ça a pris une autre trentaine d'années. Puis malheureusement, à l'an 70, Tite, Le gouverneur romain, il a tout sacré sa terre. Ça a été détruit. Mais ça, c'était une représentation du temple d'Hérode. Si vous voyez complètement à votre droite, la partie élevée, c'est le lieu saint et le lieu très saint. Alors ça, c'est l'accès dans le lieu très saint une fois par année par le souverain sacrificateur qui rentre. Juste avant ça, il y a d'autres colonnes, une autre séparation, c'est le parvis d'Israël. Juste en avant, c'est là où les sacrificateurs font les sacrifices. Et ça s'appelle aussi le parvis des hommes, parce que les sacrificateurs, il y avait juste des hommes. Alors, c'était les hommes qui étaient là. Et là, on voit une porte, puis on voit des marches qui descendent. Au centre, il y a un paquet de monde. Ça s'appelle la cour des femmes, le parvis des femmes. Alors, les hommes avaient le droit là parce qu'il fallait qu'ils aillent plus loin. Mais c'était l'endroit réservé pour les hommes et les femmes de prier, de célébrer, d'adorer Dieu. Et à l'extérieur de ces murs-là, bien, il y avait aussi, comme on voit en bas, une espèce de petite clôture. Une clôture sous laquelle il était écrit « Juif seulement ». Si un païen passait là, il était passible de mort. On pouvait le lapider. Ceux qui connaissent bien le livre des Actes, à un moment donné, Paul y rentre dans le temple et a amené, soi-disant, un grec. Puis là, le chiard a commencé. Parce que c'est une fausse déclaration, mais en tout cas, il y avait une clôture. Cette clôture-là, ça disait « Juif seulement, passible de mort si tu traverses ». Et à l'extérieur de ça, bien là, il y avait le parvis ou la cour des gentils. Là, vous voyez, et ça, c'était très grand. C'était très grand cet espace-là, et c'était pour les prosélytes, les non-juifs qui venaient, les gens de tout le bassin méditerranéen qui venaient une fois par année pour la Pâque, pour offrir leur sacrifice d'expiation, une fois par année, et ils venaient là pour adorer, pour célébrer Dieu. Mais cette cour des gentils-là qu'on voit à l'extérieur, cette cour des gentils-là avait été transformée en vente de trottoirs, avec toutes sortes de kiosques. Et cette cour des gentils-là était devenue une maison de trafic, dit Jésus, où on va vendre des animaux qui sont certifiés. Un peu comme là. Ce que Marcel me disait ce matin, il a entendu l'Évangile à l'exposition de Victoriaville avec mon père et quelqu'un d'autre. Il y avait des animaux certifiés là, dans cette affaire-là. Mais voyez-vous, si quelqu'un venait de la Galilée ou qui venait de la Pérée ou de l'Idumée, puis qui venait à Jérusalem pour la Pâque, pour offrir son sacrifice d'expiation, bien, s'il amenait son bœuf ou sa brebis, et que malheureusement, en chemin, elle s'était versée le pied, sur une roche, il arrive au temple, puis la brebis, elle marche tout croche, elle est déclarée incapable d'être sacrifiée. Ce n'est pas un animal pur, sans défaut. Fait que là, les smarts au temple, ils ont dit, tiens, nous, on va leur en offrir des animaux pré-autorisés, pré-certifiés par le souverain sacrificateur. Alors, c'était bien mieux d'apporter un paquet d'argent dans ses poches que de traîner un agneau ou un bœuf pour le faire tout d'un coup qui n'est pas accepté quand vient l'inspection. Alors, on l'achetait. Alors, il y avait, comme je dis, des kiosques, des ventes de bœufs, de brebis, et il était tout là. Et en plus, ben, si on venait d'ailleurs, ben, acheter quelque chose dans le lieu saint qu'on appelle le temple, il ne fallait pas trouver des 2 piastres avec la face de la reine dessus. Ou non, il ne fallait pas trouver des argents avec la face du César dessus. C'était de l'idolâtrie. Souvenez Jésus qui parle à un moment donné, est-ce qu'on doit payer le tribut à César ou pas? Puis il dit, montez-moi une pièce, là. C'est qui est dessus finalement? César, bien donnez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais alors, l'organisation, c'était de l'idolâtrie que d'accepter des monnaies qui n'étaient pas des monnaies juives. Alors, bien entendu, il y avait un taux de change, hey, bon commerce, alors il y avait des taux de change qui étaient assez excessifs. Et en plus, à chaque année, il y avait la taxe du temple et ça se payait seulement en monnaie juive. Alors, Jésus rentre dans le temple et lui rentre dans le temple, pourquoi? Il voudrait que les gens-là rencontrent son Père dans la foi. Il voudrait que les gens qui viennent au temple viennent adorer Dieu sans distraction. Sans les moumou here, les ha-ha there, les quack-quack over there. Il voudrait que les gens, ils n'arrivent pas dans la ferme de Mathurin, ils arrivent au temple pour adorer Dieu dans un endroit où il s'est réservé pour la cour des gentils, pour que tout le monde, toutes les nations, que ce soit une maison de prière pour toutes les nations, c'est ce que Jésus voudrait trouver dans le temple. Mais il ne trouve pas ça. Il ne trouve pas ça. Il trouve plutôt que c'est un endroit où on cherche les grandes opportunités commerciales. En fait, je me demande si ça a changé beaucoup aujourd'hui. Si vous allez dans les beaux endroits de pèlerinage, des grands sanctuaires de ce monde, vous allez trouver aussi des gling, gling, gling, à vendre. Ça n'a pas vraiment changé depuis le premier siècle. Mais Jésus, il rentre et il voudrait trouver des gens qui sont en prière, qui veulent adorer Dieu. Parce que pour Jésus, la relation doit toujours précéder le rite religieux. Il n'y a rien contre le rite, mais la relation, autant pour nous que pour ce que Jésus s'attendait dans le temps, la relation doit toujours précéder le rite religieux. Et pour Jésus, il est passionné de maintenir la sainteté dans la maison du Père. Le zèle de ta maison me dévore, il dit. Et il cite l'Ancien Testament. Ma passion pour ta maison, ça me consume pour Jésus. C'est important. C'est essentiel. La relation précède le rite. Question encore ce matin. Avec quelle attitude sommes-nous venus aujourd'hui pour le culte? Est-ce que nous sommes venus pour voir des gens? Moi, ça fait plusieurs jours que je ne vois pas personne. Mon épouse est partie en Saskatchewan voir ses sœurs, puis à notre fils en Colombie-Britannique, puis elle est partie pour 3 semaines. Fait que je m'ennuie tout seul. Mais en tout cas, on se plaire. Mais j'ai hâte de voir des gens. Mais est-ce que l'Église, est-ce que c'est juste ça, je vais voir des gens, puis moi qui est extériorisant, puis social, bien là, je vais quitter, puis là, je suis content, j'ai rencontré Marcel aujourd'hui, j'ai appris des choses. Je suis donc content. Est-ce que c'est pour ça que je suis venu? Ou il y avait plus que ça? Avec quelle attitude est-ce que je suis venu pour le culte d'adoration? Bien, pour Jésus, un cœur bien disposé, c'est préférable à, à, à la socialisation, arriver avec les mains pleines. Alors Jésus, quand il voit ça, il manifeste son autorité. Certains diront, il pique une sainte colère. Vous avez déjà entendu ça, Jésus, il a piqué une sainte colère. Je ne suis pas sûr de ça, moi. Je ne suis pas sûr que Jésus a pété ses plombs, puis que là, il a sacré, là, frappé des gens. Puis le texte, il ne dit pas tout à fait ça. Il a fait un fouet avec des cordes. Alors oui, je m'imagine qu'il a fait des cordes, puis il a fait un fouet, là. Mais le fouet était beaucoup plus un symbole de son autorité qu'un instrument pour blesser les gens. D'ailleurs, avez-vous remarqué que ce n'est pas écrit qu'il a blessé personne? Il n'a pas blessé personne. Il a mis son sceau d'autorité, il a chassé les gens, il a viré des tables, il a détaché peut-être des bœufs. Est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il a fait ça sur toute la cour des gentils? Je m'imagine. Il a fait du ménage. Il a manifesté son bâton, si je peux dire, d'autorité. J'aime ça parce que il y a aussi dans le texte, il spécifie les vendeurs de pigeons. Il y avait des vendeurs de pigeons parce que ceux qui n'avaient pas d'argent pour s'acheter une brebis ou un bœuf pour l'offrande, ben ils pouvaient sacrifier des pigeons. Ça coûtait bien moins cher. Et les pigeons, savez-vous qu'est-ce que Jésus fait? Est-ce qu'il rouvre comme dans les films, il rouvre les cages, les pigeons s'en vont? Non! Il leur dit, ôtez ça d'ici. Il leur dit, ramassez vos affaires puis sortez. Il est gentil, en fait. Peut-être que je lis trop dans le texte, mais c'est ça que ça dit pourtant. Ça dit... Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa le table. Point virgule. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ramassez-vous. Sortez avec vos affaires. Alors, il n'y a pas de... Il manifeste son autorité plutôt que faire souffrir tout le monde, là. Parce que la maison, le temple, c'est la maison du Père. Et en fait, ce que Jésus est en train de faire, il est en train d'accomplir une prophétie de l'Écriture, de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, le livre auquel les Juifs étaient très attachés. Es-tu Lili qui doit venir? Ça venait de Malachie, ça. Et regardez maintenant ce qui était écrit aussi dans Malachie. Au chapitre 3, « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. » Qui a préparé le chemin devant le Seigneur? Jean-Baptiste. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et soudain, Jésus y rentre dans son temple. Et le messager de l'Alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il purifiera les sacrificateurs. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Il est venu faire du ménage. Il est venu faire du ménage parmi les sacrificateurs pour que finalement les sacrificateurs offrent à l'Éternel des offrandes avec justice. Verset 4. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. Jésus a manifesté son autorité en chassant les vendeurs du temple. Il a manifesté son identité en disant, « Voici, je suis l'accomplissement de Matthieu, Malachie chapitre 3, les trois premiers versets. Et je m'en viens pour purifier le temple, pour que les sacrifices qui viennent vers Dieu, des sacrifices de louange, des sacrifices d'adoration, des prières soient acceptables aux yeux de Dieu. » Il manifeste son autorité. Il se présente dans le temple, parmi les sacrificateurs, parmi les responsables juifs, il se présente comme le Messie. Vous ne faites pas de la maison de mon Père. Mon Père? Naissance douteuse? Non, non, non. Mon Père. Ça, c'est la maison de Dieu. Et ça, c'est mon Père. Parce que je suis le Fils de Dieu. Et je viens accomplir la parole de Dieu. Alors, les Juifs, bien entendu, ils n'ont pas tout sorti. Ils ont vu que ça brassait dans le temple. Fait qu'ils prennent la parole et ils disent, « Quel miracle! Qu'est-ce que tu nous montres d'abord pour agir de la sorte? » Miracle! Dans l'Évangile de Jean, Semeillon, c'est un signe. Noël nous a partagé ça avec Cana. Il a manifesté sa gloire par un signe. Les miracles sont des signes et ils vont plus loin. Ils attestent quelque chose de plus en arrière. Quel signe tu donnes qui va attester que tu es vraiment le Fils de Dieu? Oups. Et Jésus dit, là, dans le temple, dans la cour des gentils, « Détruisez ce temple, puis en 3 jours, je vais le relever. » C'est assez énigmatique. Je m'imagine que je comprends bien ce que les Juifs ont dit. « Hey, c'est qui toi? » Hein? Hey, ça fait 46 ans qu'on essaye de bâtir ça, puis c'est pas fini encore. Puis toi, tu penses qu'en 3 jours, tu vas défaire ça, puis tu vas le remonter? » Ils ne comprenaient pas. En fait, les disciples non plus ne comprenaient pas. Hein? C'est clarifié tout de suite après. Il dit, c'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit ça. Ils n'avaient pas compris non plus la première journée, là, quand Jésus l'a dit. Le temple d'Hérode, qui était le centre visuel religieux, qui était prévu pour l'adoration du Père, Jésus y dit qu'il va être remplacé, qu'il va relever le temple avec lui-même, avec son corps. Il parle de son corps, du corps Jésus de vivant dans le croyant. Jésus va changer l'endroit d'adoration pour ton cœur. Pour l'intérieur, détruisez ce temple. Jésus a été crucifié à la croix. Et c'est à la croix, plutôt qu'au temple d'Hérode, qu'on va trouver le sacrifice ultime, le sacrifice qui a la capacité d'enlever les péchés, pas juste découvrir. À la croix est le sacrifice ultime de Jésus pour mes péchés, pour les vôtres. Détruisez ce temple, Jésus dit. Je comprends que les gens n'ont pas compris. Mais pour Jésus, c'était très clair. Le temple va changer de place. C'est à la croix maintenant que les gens rencontrent Dieu. Et c'est dans leur cœur qu'ils puissent trouver un lieu d'adoration, un endroit pour s'élever vers Dieu. Jésus va dire à la Samaritaine dans le chapitre 4, Dieu est esprit. Et il va dire à la Samaritaine, c'est pas sur la montagne de Samarie, c'est pas à Jérusalem maintenant que Dieu va accepter l'adoration. Mais il nous a dit, il faut, Dieu est esprit, puis il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Jésus, et Dieu ne cherche pas des adorateurs ni à Jérusalem, ni en Samarie, mais il recherche des adorateurs de cœur, en esprit et en vérité. Et les chefs religieux du temple, ils étaient trop attachés au temple, au matériel, à la vue, au sens, pour réaliser ça. Même Étienne, chapitre 7, quand il va être accusé, il va être mis à part, il dit, il parle contre le temple. Et Étienne va dire, bien, regardez l'histoire de l'Ancien Testament. Regardez même David qui voulait construire un temple, Salomon qui construit le temple, puis quand il construit le temple, Dieu lui dit, le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Ben lui aussi, ça lui a coûté la tête, Étienne. Le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Détruisez ce corps, il dit, ce temple, puis je vais le rebâtir. Parce que dans l'avenir, votre cœur, votre âme va être le temple du Saint-Esprit de Dieu. Et bien entendu, comme j'ai dit, le signe est incompris des religieux juifs, puis il n'est pas plus compris tout de suite par les disciples, ils vont comprendre plus tard. Et j'aime ça parce qu'ils comprennent plus tard, et après ça les fait grandir dans la foi. Ils se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent. Ah, tiens, ils ne croyaient pas avant? Mais oui, ils croyaient avant. Mais ils crurent davantage. Ils crurent davantage à la parole, à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Comment réagissons-nous à l'autorité de Jésus? Quelle était la réaction des gens quand Jésus s'est manifesté dans son autorité, dans son identité? Bien, on réagit de deux manières. Verset 23, ils ont dit, pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête, il s'est fait beaucoup de miracles. Puis il y a des gens, plusieurs crurent en son nom en voyant les miracles qu'il faisait. Deux types de foi. Il y a des gens que la foi était basée uniquement sur la vue. Les signes visuels, j'allais même dire religieux, attirent facilement des foules. Mais les signes visuels ne sont pas la garantie d'une vraie foi. Et plusieurs, dans cette première visite au temple de Jésus à Jérusalem, plusieurs n'ont pas progressé au-delà de la vue. Ils n'ont pas progressé dans leur foi au-delà de leur sens naturel, au-delà du charisme que Jésus pouvait avoir. Leur foi, leur vie est demeurée inchangée, indépendante de Dieu. Jésus va dire plus tard à Thomas, « Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. » Et Jésus, il nous est dit dans le texte, il va voir au-delà des apparences. Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Il savait lui-même ce qui était dans le cœur de l'homme, dans le centre de l'homme. Jésus voit le cœur de l'homme. Il voit si la foi va plus loin que la vue, si la foi va plus profondément que les sens, si la foi transforme la vie de la personne. Alors, d'un côté, il y a des fois qui sont inadéquates. Et de l'autre côté, il y a des fois qui progressent. Et c'est ce que Jésus s'attend de nous. Il s'attend à une foi qui progresse comme celle qu'on a vue des disciples qui ont compris après puis qui ont cru. Une foi qui est seulement basée sur les sens. Pendant que Jésus était là, il pouvait voir des miracles. Ils ont vu voir les vendeurs chasser du temple, puis ils ont dû dire, « Hey boy, ils sont retournés à la maison, puis ils ont dit, « Hey Jésus, il l'avait, je te dis, il a sacré, je te demande dehors. » Puis les gens y ont parlé, puis il a parlé. Hey, qu'il avait le courage, cet homme-là, de parler à ces chefs religieux-là. Et puis, pendant qu'on était à part, on a vu des miracles, on a vu des aveugles qui vivaient. « Hey, c'est quelque chose, qu'est-ce qu'il a fait? » Plus tard, il y a des gens qui vont dire, « Hey, il a multiplié les pains, il a guéri des aveugles. » Mais il y en a que, quand Jésus a dit, « Bien, suis-moi », là, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. C'était une foi qui était basée sur la vue. C'était une foi qui était basée sur les sens. Mais ce que Jésus s'attend, c'est pas qu'on arrête les sens, on arrête la vue. Mais cette vue-là doit nous progresser jusqu'à ce qu'on reconnaisse, « Mais c'est qui fait ces œuvres-là? Mais c'est Jésus! Et c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu! C'est lui qui fait les miracles. Et c'est à lui que je dois reconnaître qu'il y a plus que la dimension visuelle. La vue doit nous amener à une compréhension mentale de qui est Jésus et nous conduire à l'accueillir personnellement, à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ça les a transformés. La vue vers la compréhension mentale, vers l'accueil personnel. Et ça va nous conduire, ça, à la transformation personnelle et morale de chacun d'entre nous. Et c'est cette foi-là que Dieu recherche. Cette foi qui produit des changements profonds que Dieu est en train d'accomplir en nous. C'est ça la foi vivante. C'est ça la vraie foi qui sauve. Les chefs religieux ont manifesté une foi qui était inadéquate. Mais, il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Un chef des Juifs. Ce Nicodème-là a vu Jésus dans le temple, il l'a entendu parler. Il a vu ses miracles et il s'en vient voir Jésus de façon un peu timide pour l'écouter. La suite au prochain épisode de Jean, alors que mon frère Noël va introduire Nicodème dans le chapitre 3. Les Juifs l'ont manqué, mais ce n'est pas tout le monde. Nicodème a réagi positivement à ce qu'il a vu de Jésus. Qu'avons-nous à retenir de ce texte des Écritures? Comment ça doit se manifester dans nos vies, ce que l'on vient de lire dans les Écritures? D'abord, Dieu recherche des adorateurs plutôt que des commerçants religieux. Tu écris ça en quelque part? Non. Dieu recherche des adorateurs plutôt que des commerçants religieux. Il faut faire attention de ne pas employer les croyants ou les services religieux comme un moyen de s'enrichir. Quand j'étais pasteur à Beauport, 200 personnes, ça fait un bon bassin de clients, ça fait une bonne clientèle. Fait que là, on avait un bottin téléphonique, nous autres. Fait que là, des gens, ils... René Labbé m'a appelé. « Ah, René, comment ça va? Ah, oh, tu vas à l'église avec moi? » Non, René, c'était pas moi. « Hey, j'ai des produits pour toi. » Et là, le bottin téléphonique devenait une base de clientèle pour les gens. Ils ne se connaissaient pas, ils ne se rencontraient pas, mais ils étaient dans le bottin téléphonique, puis on peut l'appeler, puis on peut, moi j'ai ça à vendre, puis moi j'ai ça, puis moi j'ai ça, puis moi j'ai ça. Il faut commencer à écrire dans notre bottin, page centrale, ce bottin-là ne doit pas servir aux usages commerciaux. Rencontrez les frères, les sœurs, parlez de ce qui vous tente. Mais pensez pas de les croyants comme « Oh, voilà un bon bassin de clients pour moi, pour ma nouvelle entreprise. » C'était ça le temple. Il faut faire attention que ça ne se produise pas parmi nous. J'étais directeur d'école, 300 étudiants. Hey! Ça, c'est une bonne place pour vendre des bars tendres. Alors, toc, toc, toc. Oh, monsieur, on va faire une belle offre pour vous, pour votre cuisine, pour votre cafétéria. On pourrait vous offrir ça. Mais pourquoi tu viens à l'école? Les étudiants ne doivent pas être la base de ta clientèle, mon ami. Bonjour. On va acheter nos bars tendres où on veut, puis la cafétéria s'occupera d'acheter ce qu'elle veut. Ça doit exister ailleurs, là. Mais malheureusement, ça existe quelquefois dans le système religieux, où on se sert de la population comme moyen de s'enrichir, de trouver sa base de clientèle. Deuxième principe à retenir, à manifester, c'est l'objet de notre foi qui est le plus important. Ce n'est pas les médailles, ce n'est pas les signes ostentatoires. On parle de ça dans nos gouvernements récemment, tous les signes, je suis ici. Ce n'est pas ça qui est important, c'est l'objet de la foi qui est plus important, plutôt que les bébelles. Les Juifs plaçaient leur foi dans le temple plutôt que dans la personne de Jésus. Et même quand Jésus était sur la croix, ils leur ont rappelé, « C'est lui! » qui dit qu'il va détruire le temple et qu'il va le rebâtir en 3 jours. Sauve-toi toi-même! Descends de la croix! C'est ça que tu nous as dit! Pourtant, le cher temple d'Hérode a été détruit la génération suivante et le vrai temple de Dieu continue de grandir depuis 2000 ans dans chacun des cœurs et pas juste à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire à Dieu! Parce qu'en réalité, mieux vaut une petite foi dans un grand Dieu que de posséder une grande foi dans nos capacités tellement limitées. Oh, cette semaine, je lisais dans 2 Rois, chapitre 5, Naaman. Et je suis bouleversé quand je lis cette petite esclave. Vous devez lire ça, 2 Rois, chapitre 5. Une petite esclave qui se fait prendre en Israël puis qui devient une esclave d'un grand monsieur très important. Et elle dit, « Oh, si mon maître savait qu'il y a un Dieu en Israël, Dieu pourrait le guérir. » Il était lépreux, ce chef d'armée-là, il était lépreux. Mais une petite fille qui a une petite foi, c'était bien mieux que Naaman, avec toute sa puissance. Mais d'ailleurs, vous connaissez l'histoire, il a été là-bas puis il était fâché parce que Élisée, je pense, il va dire, garde, va te laver 7 fois, puis tu vas être correct. Trop simple. C'est l'objet de notre foi qui est le plus important. Et puis les gens d'aujourd'hui ont encore tendance à substituer la vue au caractère comme étant une évidence de leur relation avec Dieu. « Oh, moi j'ai été guéri, moi j'ai tel charisme, moi je parle en langue, moi j'ai une prospérité financière, c'est parce que je suis un bon chrétien. » Attention à ça. Même dans nos leaders religieux, quelquefois on pourrait dire « Hey, notre église est en pleine santé spirituelle, regarde nos finances vont bien, regarde l'assistance qui va bien, regarde comment on a un beau bâtiment. » Rien contre ça. Mais ce n'est pas ça l'objet de notre foi. Parce que les Écritures mentionnent plutôt que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Et quand on se rend compte, si on peut voir cet amour, cette foi, cette joie, cette patience, ce soutien mutuel, cette bienveillance, nous sommes au bon endroit. Dieu recherche une foi qui progresse, une foi qui grandit. Notre foi doit dépasser la vue puis les sentiments. Notre foi doit être appuyée sur la parole de Dieu et sur la personne de Jésus, parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et la foi ne doit jamais être stagnante, soit que notre foi progresse, soit que notre foi régresse. Et Dieu nous appelle à une foi qui grandit, qui progresse. Je vous ai posé la question au tout début, comment est-ce que je pourrais savoir si Jésus a passé par ici aujourd'hui? Et j'aimerais vous dire, si vous voulez savoir si Jésus a passé dans notre culte aujourd'hui, regardez pas si on est très excité, si René Lamy met ses mains dans les airs et qui chante, ou si le prédicateur était « waouh ». Mais regarde plutôt à l'intérieur de toi. Regarde dans ton cœur, est-ce que tu reconnais l'autorité de Jésus sur ta vie? Est-ce que dans la présence de Dieu, en présence du peuple de Dieu, en présence de sa parole, tu désires le voir effectuer des changements, des transformations profondes en toi? Et si c'est le cas, sache que Dieu regarde dans ton cœur. Sache que Dieu a passé par ici aujourd'hui et qu'il va t'aider à progresser dans sa foi. Ne cherchons pas une foule assoiffée, puis des beaux miracles, puis du glamour partout. Mais recherchons plutôt une communauté de prière, une communauté d'adoration en esprit et en vérité. Parce que voyez-vous, Jésus, il voit au-delà des apparences. Il voit dans le cœur. Prions. Et si les frères peuvent venir pour le chant. Prions. Sonde-moi, ô Dieu. Connais mon cœur. Éprouve-moi, ô Dieu. Connais mes pensées. Regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi, Seigneur, sur la voie de l'éternité. Parce que, Seigneur, si tu sondes mon cœur, si tu me diriges vers la voie de l'éternité, si tu mets ton doigt sur mes mauvaises voies, je vais grandir, je vais te ressembler, je vais te rendre gloire. Que ce soit vrai dans ma vie, Seigneur, que ce soit vrai parmi ton peuple à Victoriaville. Amen.